On va parler avec notre ami Frédéric Degg des Alouettes de Montréal. Salut Fred! Salut Danny. Fred, avant de parler des Alouettes, ben moi on s'est parlé en dehors des ondes ben avant ça, mais je voudrais que tu le racontes en ondes ce que tu m'as dit, le Japon, parce que tu étais aux Jeux Olympiques de Tokyo. Comment tu as trouvé ton expérience? Ah, écoute, ça a été. Je m'attendais vraiment à une couverture difficile en raison des mesures sanitaires. Puis on nous avait parlé là, que t'sais, on serait pas mal confinés à notre chambre d'hôtel, surtout pour les 14 premiers jours à notre arrivée au pays. Finalement, ça a été une agréable surprise. Ça a été une des couvertures les plus fun que j'ai faites. On a été très bien accueillis. Puis ça, je craignais ça un petit peu parce qu'on avait lu tellement d'articles qui disaient que les Japonais voulaient pas nous voir là, voulaient que les Jeux soient annulés. Mais une fois que je pense qu'ils ont vu que les Jeux étaient pour aller de l'avant, le Japon est un peuple très orgueilleux, très fier de sa culture et aussi très fier d'accueillir les gens. Et je pense que ça a pris le dessus. Et vraiment, écoute, les installations étaient de première classe. La nourriture japonaise, moi, j'ai découvert des affaires incroyables. Ça a été mon highlight des Jeux. Excuse-moi l'anglicisme, là, mais j'ai adoré. C'est un pays qui est propre, accueillant. Moi, j'ai vraiment été enchanté par le Japon. Ben moi, on me dit que j'ai mes amis personnels aussi qui étaient allés 3 fois, lui, parce qu'il travaillait pour Mitsubishi avant. Donc, c'est japonais, il Oui. allait là pour le. Il me disait que c'est tellement sécuritaire. Les Ah oui. Japonais, si tu t'en vas à Tokyo, lui, il dit même, il dit, je serais même pas inquiet de laisser mon portefeuille puis que à Tokyo, là. À force que Écoute, les gens. à Tokyo, là, les gens, pour qu'ils réalisent, c'est la plus grande ville du monde, là. C'est 13 millions d'habitants. Si tu calcules les banlieues, c'est 37 millions d'habitants. C'est presque la population du Canada au complet, ça. Les gens laissent leur vélo détaché, à Tokyo. Puis pas juste 5 minutes pour rentrer au dépanneur, là. Ils arrivent chez eux, ils le laissent sur le poteau en face de chez eux, puis ils s'en vont. Alors, moi j'en ai vu là, plusieurs vélos détachés là, qui étaient là pour plus que 5 à 15 minutes, mettons, là. Les gens là, dans les navettes olympiques qui oubliaient un chandail, une casquette, un sac, tu retrouvais le sac à l'arrêt de la navette olympique là, le lendemain, quelques heures plus tard, les gens. Il n'y a personne qui le prenait, là. Alors, non, c'est vraiment un pays. Moi, j'ai 2 jeunes filles, là, de bientôt 12 et 9 ans. Puis c'est ça, je racontais à ma conjointe. Je disais, à l'hôtel où on était comme au milieu, là, d'un pâté de maison, au milieu d'une rue. Puis à chaque coin de rue, il y avait un dépanneur, une épicerie. J'aurais pas eu peur d'envoyer les filles toutes seules au dépanneur ou à l'épicerie, là. Ce que je ferais probablement pas à New York, là. T'sais, puis si on veut comparer des pommes avec des pommes, là. Mais c'est un pays très sécuritaire, très propre. Moi, en tout cas, j'ai été emballé par mon expérience. Dis-moi, ce soir c'est un match important pour les Alouettes. C'était le début d'une série de 5 matchs contre la division S. Ouais. Donc, c'est un match important. Les Argonauts qui ont une fiche. Ils ont perdu en Saskatchewan la semaine passée. Par contre, c'est une équipe quand ils perdent, ils reviennent. T'sais, souvent, le deuxième match, c'est plus facile. Et ils ont une fiche positive après le deuxième match. Surpris, déçu des Alouettes jusqu'à maintenant. C'est goussi coup ça. Hein? Ça va avec Vernon Adams, en fait. Bien, je ne dirais pas, ni surpris ni déçu, mais c'est une équipe qui nous laisse sur notre appétit, je trouve, présentement. C'est une équipe qui est très inconstante et c'est une équipe qu'on avait, moi personnellement, mais la plupart des observateurs de la Ligue canadienne, les gens qui sont sur le beat des Alouettes à Montréal, puis même plusieurs partisans, on avait beaucoup d'attentes avec la fin de saison qu'on avait connue en 2019, la participation aux séries. Carey Jones, Vernon Adams-Fils, on avait le Eugene Lewis, Jake Winicky, on avait là vraiment là, des éléments, le William Stanback qui est de retour, on avait des éléments on a encore chez les Alouettes les éléments en place qui laissent croire qu'on pourrait connaître un long parcours. Moi, j'ai choisi les Alouettes pour représenter l'Est à la Coupe Grey. C'est à ce point que je m'attendais que l'équipe était pour progresser, de faire un pas de plus vers l'avant encore une fois cette saison. Là, on a un corps, quand même un Aussi jeune ça. corps, oui, encore, mais qui est plus une recrue Non. et qui connaît qu'il y a de la misère à dealer avec de l'adversité, peut-être pour une première fois, là, vraiment, si on fait abstraction là, de son année recrue là, avec les Alouettes. Il y a de la misère, là, puis on dirait que mentalement, c'est difficile de s'ajuster à cette adversité-là. On sent, en tout cas, dans les entrevues que les dirigeants des Alouettes donnent, et même Vernon Adams, on travaille pas tant sur sa technique que sur son mental présentement, que sur... Oui, c'est je pense que c'est quelqu'un qui a de la misère à gérer ses émotions et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On parle de confiance, on parle de garder son calme dans les moments importants. Alors, ce sont, je pense pas que ce soit mental. Cependant, moi, je trouve que Vernon Adams, cette saison, et là, c'est peut-être lié encore à l'aspect mental, moi, je trouve que ses passes manquent de mordant. Il me semble qu'il y avait une pointe de vitesse qui n'est pas capable d'atteindre encore cette saison dans ses passes. Là, écoute, ça reste à déterminer. Faudra voir si ça va se replacer. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement, il n'y a pas eu de match préparatoire. C'est-à-dire, il y a eu un camp d'entraînement plus court, puis il n'y a pas eu de match préparatoire. Ben ouais. C'est certain que normalement, là, dans une saison habituelle, les Alouettes disputeraient leur quatrième match seulement et pas leur sixième, là, parce qu'il y aurait eu deux matchs préparatoires. Ouais. Bon, alors... Mais c'est partout pareil. Oui, ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité, absolument. Mm. Mais si tu regardes à travers la Ligue, là, l'attaque des équipes ne roule pas à fond la caisse. Si on fait peut-être exception là, des Blue Bombers de Winnipeg qui semblent être vraiment eux autres sur une lancée. Là. Mm. Mais si tu regardes, Montréal demeure une des meilleures attaques cette saison là, jusqu'ici. Et puis, écoute, ils ont un différentiel de points marqués, points accordés positifs, ce qui n'est pas le cas à Toronto, même si Toronto a une victoire de plus. Ça, habituellement, c'est des signes qui mentent pas, là. Alors, j'imagine que ça pourrait se replacer, mais il faut que ça se replace rapidement parce que tu le disais tantôt, le match contre les Argos, c'est le premier de cinq contre des adversaires de l'Est. Ouais. Oui, on va affronter deux fois les Rough Riders là-dedans, mais quand même, faut que t'es gagne. C'est pas les Rough Riders, je m'excuse, le rouge et noir, mon Dieu, ma tête est loin dans le passé. Rouge et noir d'Ottawa. C'est vraiment une année à oublier, je pense, pour eux autres. Là. Riders, mais je veux dire. Ça ressemble aux Riders. c'est peut-être pour ça que je les appelle comme ça. C'est vraiment comme ça, là. Il faut quand même que tu gagnes ces matchs-là. Mm. Alors, tu sais, les Alouettes là, ont l'occasion vraiment là, de se hisser au sommet de la division ou peut-être de rejoindre les Tiger Cats avec cette séquence-là de cinq matchs contre l'Est. Va falloir, puis ça commence ce soir à Toronto, là. Il va falloir que l'équipe là connaisse un excellent match et profiter justement peut-être des largesses défensives des Argos pour remettre son attaque sur pied. Parce que là, tu peux pas juste connaître des bons matchs à l'attaque contre le Rouge et Noir d'Ottawa, ça sera pas assez à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va se passer. C'est là qu'on voit que carrière, mais son poste n'est pas en danger, Vernon Adams, parce que Max Shields est encore là. Ils ont signé un carrière aussi. Ouais, mais là, il est sur l'équipe d'entraînement. Ouais. Il est tout seul, Vernon Adams. De toute façon, là, les Alouettes là, vont vraiment lui donner toute la corde nécessaire parce que c'est le quart d'avenir. Il n'y en a pas eu d'aussi bon que lui depuis que Calvillo est passé. Là. Ouais. Mais encore là, il a été très bon une saison. Le Calvillo a été excellent plusieurs saisons. Ben oui. Et c'est pour ça là, que faut, je veux dire, d'être la constance sur la durée. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile et c'est là-dedans. Mais là, c'est cinq matchs, c'est pas la saison. Les Alouettes peuvent gagner 8 des 9 prochains, puis on va oublier ça, cette conversation-là, dans les prochaines semaines. Mais je veux dire, il faut que ça commence quelque part. Et le moment serait très bien choisi que ça commence ce soir, cette remise sur les rails des Alouettes. Toronto a une fiche très, très positive après une défaite, puis ils ont perdu en Saskatchewan la semaine passée. Donc, c'est un dossier. Oui, puis c'est parce que là, si tu perds le match ce soir, là, tu t'éloignes déjà à 4 points de Toronto puis de Hamilton. Ouais. Dans une saison de 14 matchs, tu n'as pas tant le temps que ça de te rattraper. Là, tu as le croisement, donc tu as une possibilité aussi. Ben, puis là, tu as la règle du croisement qu'il faut que tu surveilles aussi. Là. Déjà, tu as trois équipes l'autre côté à 8 points et plus. Edmonton a une fiche perdante, mais en te retrouvant à 2 et 4, tu te retrouverais avec la même fiche qu'Edmonton. C'est pas... Pourquoi pas distancer tout le monde puis rattraper les équipes de tête de ta division présentement? Là, c'est vraiment là-dessus que les Alouettes doivent se concentrer. Okay. Fred, on s'en reparle bientôt? Ben, on se reparle absolument bientôt, espérons après des bonnes nouvelles chez les Alouettes. Effectivement. Donc, notre ami Frédéric Degg de la presse canadienne.